La Gruyère ducale à la maîtrise française, l'exemple de Sarreguemines. Alors, le but de cette communication est de mettre en évidence le changement de juridiction forestière suite à un bouleversement géopolitique, c'est-à-dire le rattachement de la Lorraine ducale à la France. Au XVIIIe siècle, la forêt revêt une importance capitale, voire vitale, à un point qu'on ne peut soupçonner aujourd'hui. Les communautés n'hésitaient alors pas à engager des procès longs et coûteux pour défendre leurs droits d'usage. Alors elle est d'abord la seule source d'énergie, tant pour le chauffage et la cuisson des aliments des particuliers, que pour les industries telles les forges, les verreries et les salines. Elle fournit aussi la matière première pour nombre de métiers, les charpentiers, les charrons, les menuisiers, les charbonniers ou les fabricants de potasse. Aussi, les usagers des communautés bénéficient des droits de veine pâture et de grasse pâture. Enfin, le commerce du bois pour la construction navale et le bois appelé bois de Hollande est une source importante de devises. Donc là, voici quelques exemples qui montrent l'attrait des forêts du comté de Beach pour les marchands de bois. Alors, l'atlas topogéographique du comté de Beach, qui date de 1758, est un ensemble unique de 168 cartes agrémentées de deux gros volumes descriptifs des forêts. À la mort du duc Léopold, son troisième fils, François III, devient duc de Lorraine. Il veut épouser Marie-Thérèse d'Autriche et deviendrait empereur d'Autriche. Mais Louis XV s'oppose à la présence autrichienne en Lorraine et François III cède en 1737 son siège de duc à Stanislas, qui est le beau-père du roi. Dès lors, la Lorraine est envisagée et à la mort de Stanislas, elle est définitivement rattachée à la France. De ce fait, la Lorraine doit s'aligner, s'aligner sur le modèle français, en particulier en matière de gestion forestière. Alors, l'exposé comportera trois parties. D'abord, la mise aux normes administratives. Ensuite, la mise aux normes sur le terrain. Et enfin, un éclairage sur les particularités de la maîtrise de Sarreguemines. Donc, pour commencer, la première partie, la mise aux normes administratives. Alors, le duc Léopold récupère le duché de Lorraine suite au traité de Ryswick et par un édit du 31 août 1698. Il crée les Gruyéries. Ce sont des juridictions forestières locales rattachées au prévôté. Il y en a 12 dans le Grand Bailliage d'Allemagne et 75 en Lorraine et Barrois. Le personnel de la Gruyère prévôtée est polyvalent. Les officiers sont des avocats pour la plupart et n'ont aucune formation forestière. Leur fonction se limite à faire respecter les ordonnances. La première étape importante de la mise aux normes administratives est la création du Conseil royal des finances et commerces de Lorraine, le 1er juin 1737. Son siège est à Nancy. C'est l'instance de décision, tout particulièrement en matière de gestion forestière. C'est elle qui donne les ordres de délivrance des bois et qui juge les délits en appel. La seconde étape, en décembre 1747, est la création des maîtrises des eaux et forêts. Elle remplace les Gruyéries. Alors, l'une des raisons de cette restructuration est un constat du mauvais état des forêts. Ce mauvais état est dû au climat, au défrichement, au jardinage, aux délits forestiers ou aux abrutissements. Voici les 15 maîtrises. Donc, on a 15 maîtrises qui remplacent 75 Gruyéries. Si on prend le découpage des départements actuels, il y en a 3 en Moselle, 4 en Meurthe-et-Moselle, 4 dans les Vosges, 3 en Meuse et 1 en Haute-Marne. Pour la Haute-Marne, c'est Bourmont. Donc les Gruyéries sont intégrées. Donc voici les 6 Gruyéries qui sont intégrées dans la maîtrise de Sarreguemines. Alors il y a Sarre-Union, autrefois Bouquenon, qui est une enclave lorraine en territoire de Nassau. Et sur la carte de localisation, et la carte de localisation des Gruyéries rentrées dans le giron de la maîtrise de Sarreguemines montre que la ville occupe une position très excentrée, en haut de la carte, ce qui va poser quelques problèmes. Les autres Gruyéries sont Beach, Sarralbe, Bouquenon, Fénétrange et Lixheim. Et on peut remarquer sur cette carte qu'il y a deux massifs forestiers importants, celui de Beach et celui qui est au nord et à l'ouest de Fénétrange. L'effectif de la maîtrise est le même que celui de la gruérie, à la différence que la juridiction forestière est plus étendue et qu'elle n'a des compétences qu'en matière d'eau et forêt. Les officiers sont gradués, ce qui n'est pas obligatoire pour le maître particulier. Presque tous sont avocats de formation. Au passage, on peut signaler que la première école forestière est celle de Nancy et qu'elle a été créée en 1824, c'est l'ENGREF actuellement. Alors, un rapide coup d'œil sur les nominations montre que la plupart des personnes sont des anciens officiers locaux de gruyérie ou de bailliage. À signaler le maître particulier U1 et l'arpenteur Blue Cat, qui sont originaires de Nancy. Donc là, on les voit en rouge sur la diapositive. Sur ordre du Conseil des finances et commerces, les officiers délivrent les bois d'affouage et de construction. Ils organisent les ventes par adjudication, jugent les délits en première instance, visitent les bois après exploitation, délivrent l'ouverture de la pâture, réalisent sur le terrain la mise en coupe réglée et ont un pouvoir de perquisition. L'office de grand maître est créé en mai 1756 pour contrôler le bon fonctionnement des maîtrises et leur transmettre les ordres émanant du Conseil royal des finances et commerces. Le grand maître en service durant presque toute la seconde moitié du XVIIIe siècle est Claude-Nicolas Mathieu. Il succède à son père. Il est de la famille du célèbre agronome Mathieu de Dombasle. Alors, comme vous le savez, Stanislas décède le 28 février 1766 à Lunéville. La Lorraine est alors définitivement rattachée à la France. Le Conseil royal des finances et commerces de Lorraine cède sa place au Conseil d'État qui siège à Versailles. Les gardes sont les éléments essentiels d'une bonne tenue des forêts. Ils doivent être de religion catholique, sont nommés sur commission, prêtent serment, sont parrainés par deux témoins, portent une bandoulière et résident sur le lieu de leur garde au plus près des populations. Et on constate que leur nombre a considérablement augmenté dans le comté de Beach. Maintenant, la mise aux normes sur le terrain. Alors, la mise en coupe réglée est un point essentiel de cette mise aux normes française. Elle consiste à planifier dans le temps l'exploitation des forêts et se fait en trois étapes. La première, la reconnaissance des limites forestières. La seconde, la position du quart de réserve. Et la dernière, la délimitation des parcelles de taillis. Alors, la première étape, la reconnaissance des limites, c'est l'opération la plus délicate. Elle se fait en présence des maires, syndics, échevins, laboureurs âgés de la commune et éventuellement des communes limitrophes. Cette opération aboutit à un procès-verbal d'arpentage signé par les parties et par une carte. Ici, celle de Putelange, avec la position des bornes sur le pourtour et indication des distances. Et voici la carte de la mise en coupe réglée de la forêt de Grénin. Donc Grénin, ça se trouve près d'Ancemin. Seconde étape, c'est la position du quart de réserve. Un quart de la surface forestière, ici 36 arpents, est réservé pour le bois d'œuvre. On y trouve des grands arbres, la futaie. La troisième étape, c'est les trois quarts restants de la surface qui sont divisés en 25 parcelles de taillis. Ici, de 8 arpents chacune, avec une mention de l'année d'exploitation, 1780 à 1804. Cela à raison de l'exploitation annuelle d'une parcelle pour le bois d'affouage sur une révolution de 25 ans. Dans chaque parcelle, on réserve 12 baliveaux par arpent, des chênes si possible. Cette carte est intéressante pour deux raisons supplémentaires. Une opération au crayon en bas à gauche, 2044 multiplié par 8, qui font 16 352, c'est la conversion de 8 arpents en mètres carrés. L'arpent de Lorraine correspond à 20 ars 44 centiards. Les 25 parcelles portent chacune une date au crayon, à partir de 1855. Le système des coupes réglées a donc perduré bien au-delà de la Révolution. Autre exemple, le plan de la 19e coupe en forêt de Sarreguemines pour l'année 1824, avec mention des arbres appelés pieds-corniers aux quatre coins et des arbres parois sur les lignes droites, arbres qu'il est bien sûr interdit d'abattre. Concernant le quart de réserve, il est intéressant d'ouvrir une parenthèse pour signaler qu'il est souvent détourné de sa fonction initiale. Les communautés demandent de vendre du bois de leur carte de réserve pour éponger leurs dettes ou financer la construction de l'église, de l'école ou de la maison du pâtre. Et donc là, on a un exemple. En 1722, le détail des dettes de la ville de Saralbe, qui doivent être apurées en vendant du bois épars, de leurs bancs et de leurs cartes de réserve. Le montant de la dette est de 11 979 livres, ce qui donne une indication de la valeur marchande élevée du bois au XVIIIe siècle, valeur qu'on ne soupçonne plus aujourd'hui. Alors, ces demandes sont généralement acceptées par les autorités ducales, car, je le cite, « du montant du prix de l'adjudication, le tiers sera distrait au profit de qui il appartiendra ». Donc ça veut dire que là, il y a un impôt, la TVA de l'époque, qui allait donc aux autorités ducales. Alors, un chef-d'œuvre de la cartographie et de la mise en coupe réglée est le plan de l'abbaye de Sturzelbronn, dans le comté de Beach, qui date de 1780. Elle représente une surface totale de 12 341 arpents, soit 2 522 hectares, un quart de réserve de 2 885 arpents et les trois quarts restants divisés en trois triages de 36 parcelles chacun, ce qui correspond donc à 36 années de révolution, chaque parcelle faisant environ 100 arpents, soit 20 hectares. Nous en arrivons à la troisième partie de notre exposé, la particularité de la maîtrise de Sarreguemines. Alors, le premier aspect particulier, c'est la langue. Le territoire de la maîtrise est aussi nommé, déjà à l'époque, la Lorraine allemande. Et l'édit de 1748 rappelle que tout acte doit être rédigé en français. Le garde forestier qui vient au greffe de la maîtrise pour signaler un délit le fait dans sa langue, en dialecte germanique. Le greffier le traduit et le rédige en français. Ce dernier le traduit oralement en dialecte pour que le garde puisse signer l'acte. Puis, l'étendue du territoire. La position excentrée du siège de la maîtrise pose un problème. Le garde de la région de Fénétrange ou de Beach, qui constate un délit, doit se déplacer au greffe à Sarreguemines. Mais cette difficulté est rapidement résolue en créant des greffes supplémentaires à Beach, à Fénétrange et à Lixheim. On les voit en jaune sur cette carte. Vers 1752, le siège de la maîtrise perd la juridiction des forêts à l'ouest de la Sarre, dans la région de Fénétrange, au profit de celle de Dieuze. En 1767, les officiers de la maîtrise déposent un recours pour récupérer ce territoire en argumentant que ce territoire leur avait été dévolu lors de la création des maîtrises en 1747. Mais la peine est perdue. Le recours est rejeté avec un argument de poids. La saline de Dieuze engloutit annuellement des quantités astronomiques de bois, 21 000 cordes de bois et 1 100 000 fagots. La corde est le stère de l'époque. C'est un tas de bûches de 4 pieds de long, empilées sur 4 pieds de hauteur et sur une longueur de 8 pieds, ce qui fait environ 3,5 stères. Il y a cependant une maigre consolation. La maîtrise de Sarreguemines récupère le territoire de l'ancienne gruérie d'Insemin, qui a été rattachée à celle de Saralbe en 1725 et que la maîtrise de Dieu s'était accaparée. Dernier aspect, dernière particularité pour Sarreguemines, un aménagement particulier des ordonnances. Alors, les propriétaires de verreries et forges du comté de Beach déposent un recours demandant de façonner leur bois d'affouage à la scie plutôt qu'à la hache, en argumentant qu'un débit à la hache nécessite une entaille large qui leur fait perdre environ 6% du bois. Ce recours est accepté pour le façonnage, mais non pour l'abattage. Dernier aménagement notable des ordonnances, en 1785, le duché s'inquiète de l'émigration dans le comté de Beach. Une des causes qui est donc avancée est liée à la lourdeur des sentences pour délits forestiers, et en particulier celles qui concernent la pâture. Il est à ce moment-là demandé plus de clémence dans les jugements, alors que quelques années auparavant, des notes du grand maître indiquaient qu'il fallait appliquer les règlements dans toute leur rigueur. Nous voilà arrivés au terme de notre exposé et à notre conclusion. Alors, la mise aux normes françaises se traduit, du point de vue administratif, par, premièrement, l'abandon des gruyéries, juridiction locale polyvalente, au profit des maîtrises, juridiction uniquement forestière plus étendue. avec dans les deux cas des personnels de formation juridique et non spécialisés en sylviculture. Il est permis de se poser la question si cette modification a eu un effet bénéfique sur les forêts. La réponse est nuancée. On peut répondre par l'affirmative parce que les coupes réglées permettent une gestion programmée et que ce mode de gestion a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle, même suite à l'utilisation du charbon et de l'électricité. Mais on peut aussi répondre par la négative, car la pression sur les forêts a augmenté du fait de la croissance de la population et surtout des besoins en affouage des industries qui ont provoqué une forte augmentation des prix et entraîné la crise du bois vers 1829-1830. Voilà, nous vous remercions pour votre attention.